comment Wu Zetian est devenue la seule impératrice que la Chine ait connue. À la fin des années 1960, les étudiants maoïstes français reprirent fréquemment à leur compte le slogan que Mao Tse-tung avait lancé pour impulser la révolution culturelle. « Que 100 fleurs s'épanouissent !» Que 100 écoles rivalisent. C'est par cette poétique injonction qu'en juin 1956, le chef du Parti communiste chinois incita les intellectuels à exprimer leurs opinions et leurs doléances. Malheureusement, ceux qui eurent le courage de se lancer dans ce genre de discussion critique furent exposés par la suite aux pires représailles. Peut-être que ces intellectuels, qui espéraient qu'un vent de liberté puisse souffler sur la Chine, n'avaient pas suffisamment médité sur leur propre histoire. Car ce n'était pas la première fois que le recours à la poésie florale fut le prélude à des lendemains sanglants. On raconte qu'un jour d'hiver, Wu Zetian donna l'ordre à toutes les fleurs de son jardin de s'épanouir dans la nuit afin qu'elles puissent venir les admirer le lendemain matin. Wu Zetian, vous ne le saviez peut-être pas, fut la seule et unique impératrice de Chine. Dans le système impérial chinois, en effet, le titre et la fonction d'empereur étaient exclusivement réservés aux hommes. Seul Wu Zetian atteignit la consécration suprême, fondant sa propre dynastie, les Zhou, dont elle fut l'unique monarque. Ce destin extraordinaire explique qu'elle ait fait couler beaucoup d'encre, puisqu'une bonne cinquantaine de biographies ont été écrites sur Wu Zetian depuis le XIXe siècle. Mais elle fit aussi couler beaucoup de sang. Fait significatif, dans l'opéra traditionnel chinois, Wu Zetian apparaît avec un visage blanc, celui réservé aux traîtres et aux monarques cruels. Née en 624, cette seconde fille d'un obscur négociant provincial en bois de charpente devint à l'âge de 12 ans la concubine de l'empereur. À la mort de ce dernier, c'est son fils et successeur, l'empereur Gao Zong, qui l'a pris sous sa protection. Dévorée d'ambition, Wu Zetian parvint à exercer une emprise croissante sur Gao Zong, dont la santé déclina rapidement. Des sources racontent que, pour conquérir ses faveurs, elle aurait même étouffé sa fille en accusant l'impératrice de ce crime, obtenant ainsi que celle-ci soit répudiée. 4 ans après son arrivée au palais, elle accéda au titre de première épouse de l'empereur. Le couple eut 4 fils, mais après la mort de Gao Zong, dans des circonstances obscures, elle élimina les 2 aînés pour qu'ils n'accèdent pas au trône. Le 3e fils devint alors empereur, mais Wu Zetian parvint à le destituer. En 690, elle put ainsi s'autoproclamer empereur de la dynastie Zhou. Elle régna jusqu'en 704, date à laquelle elle fut confrontée à une rébellion menée par le premier ministre qui la força à abdiquer. Elle mourut le 16 décembre 705 en laissant derrière elle une réputation sulfureuse mais controversée. Si son règne fut entaché d'épisodes sanglants, elle marqua aussi son époque en s'opposant aux traditions confucianistes. Étant donné qu'on appelait l'empereur de Chine le fils du ciel, elle revendiqua avec succès le droit d'être appelée l'impératrice céleste, ce qui fit d'elle, selon certains, la première souveraine féministe.